Chapitre 20. Guerre. Mais pourquoi, se demandait-il en emmenant sa voiture au hasard, pourquoi cette aveugle rage avec laquelle il avait accueilli les ouvertures de Wertheimer? Incontestablement, les affaires de chantage sont plutôt abjectes, et comme maître cambrioleur de la plus haute caste du monde criminel, le loup solitaire avait eu raison de traiter avec dégoût et mépris les avances d'un paria tel que Wertheimer. Mais ce n'était pas de ce point de vue qu'il avait envisagé les propositions de l'Anglais. Lorsque finalement celui-ci en était venu au point décisif. Aucun froid dédain n'avait imprégné son attitude, mais au lieu de cela, une brûlante indignation au début, à la fin, une rage insensée. Il s'intriguait lui-même. Cet accès de colère avait tout l'aspect d'une incohérence psychique, impossible à concilier avec la raison. Il se rappela avec inquiétude comment, vers la fin, le visage de l'Anglais lui avait paru nager dans une brume. Avec quelle antipathie voisine de la haine il avait considéré son sourire fixe et faux. Avec quel dégoût il avait supporté le ton de familiarité de Wertheimer. Comment il avait été tenté de se jeter à la gorge de cet homme et de l'étrangler en récompense de son audace. Émotion qui convenait mieux à un homme d'honneur et d'intégrité sans tache, soumis aux propositions insolentes d'un méprisable maître chanteur. Émotion que l'on devait plutôt attendre de l'homme que Lanière avait rêvé naguère de devenir. Mais à présent qu'il avait renoncé à cette ambition folle et renié tous ses vœux, son rôle véritable eût dû être de rire au nez de Wertheimer et de lui enjoindre d'aller au diable avant qu'il ne lui arrivât pis. Au lieu de quoi, il s'était mis en fureur. Et tandis qu'il réfléchissait à son volant, il comprit que si les circonstances se renouvelaient, sa conduite serait la même. Était-il possible qu'il eût changé si profondément au cours de sa passagère crise de réforme? Il se refusait à y croire. Il savait bien trop ce qu'il projetait actuellement, que tous ses plans étaient faits et qu'une grave malencontre seule pouvait l'empêcher de les mettre à exécution, car il sentait une fois de plus en lui l'âme du loup solitaire, hasardeuse et révoltée, pleine de force et de ruse, et d'orgueil invincible. Quand enfin il sortit de sa rêverie, il s'aperçut que sa course vagabonde l'avait ramené vers le centre de Paris, et bientôt, fatigué d'errer de la sorte et se trouvant dans le voisinage de la Madeleine, il gagna la station de voiture, arrêta son moteur et retomba dans ses mornes réflexions, si profondes que rien d'extérieur n'atteignait plus sa conscience. Ce fut donc à son insu qu'une paire de rôdeurs furtifs purent venir flâner le long de la rangée, l'examinant discrètement mais en détail, s'arrêter devant la voiture de Lanière sous prétexte d'allumer des cigarettes, l'identifier à leur aise et s'éloigner lestement. Ils avaient déjà disparu quand le chauffeur de la voiture devant lui osa l'avertir. Se penchant en arrière, cet homme observa l'aventurier avec curiosité, et quand Lanière le regarda enfin, « Dis donc, camarade, lui demanda-t-il poliment, est-ce que tu serais sur le livre noir de ce brave général Popinot ?»« Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? » fit Lanière avec un air d'inquiétude hagarde. L'homme hocha la tête avec gravité. « Celui qui est en bisbille avec Popinot, remarqua-t-il sentencieux, ne doit pas dormir en public. Tu n'as pas vu ces deux types qui viennent de passer et de prendre ton numéro ? Des rôdeurs de Montmartre, si je connais mon pari. Tu rêvais, camarade, et j'ai dans l'idée que sans la présence de ces deux flics sur la chaussée, ils t'auraient fait ton affaire. Si j'étais toi, je m'en irais bien vite et ne m'arrêterais pas avant d'avoir mis de solides murailles entre moi et Popinot. » Un frisson de crainte parcourut l'échine de Lanière. « Tu es sûr ? Mais il n'y a pas de doute, mon vieux !»« Mille remerciements !» Sautant à bas, l'aventurier donna un tour de manivelle, regrimpa sur son siège et fila comme un lièvre pour chasser. Et quand, plus d'une heure après, il arrêta sa voiture pantelante dans une petite rue tranquille et déserte du quartier d'Auteuil, après un itinéraire qui avait embrassé la plus grande partie de Paris, ce fut avec la conviction d'avoir sans aucun doute semé ses poursuivants. Eussent-il en effet tenté de le suivre? Il profita de la solitude du lieu pour substituer de faux numéros à ceux qu'il avait le droit d'arborer. Puis, à une allure modeste, il longea la ligne des fortifications vers le nord jusqu'à la Muette où, virant, il contourna de ses deux côtés le parc privé qui enfermait l'hôtel de Madame Humbert. Mais la demeure ne montrait aucune lumière et il ne vit rien dans l'aspect de la propriété qui le portât à croire que la châtelaine fut déjà de retour à Paris. La nuit était encore peu avancée, mais Lanière avait sa voiture à garer et un certain nombre d'autres détails importants à régler avant de pouvoir faire les premiers pas décisifs vers sa réincarnation du loup solitaire. Traversant la Seine par le pont Mirabeau, il se rendit par les chemins les plus sûrs jusqu'au bureau télégraphique ouvert toute la nuit dans la rue de Grenelle, où il lança une dépêche chiffrée au ministre de la guerre. Puis, prenant les mêmes précautions pour éviter d'être vu, il s'en retourna vers la rue des Acacias. Mais il ne lui était pas possible de traverser la Seine secrètement, sans repasser par où il était venu, et son impatience s'irrita à l'idée de ce long détour. Malencontreusement, il décida de traverser par le pont des Invalides, et il comprit sa bévue, presque aussitôt qu'il eut quitté le brillant quai de la Conférence, pour entrer dans la pénombre de la rue François Ier. Il avait à peine fait 30 mètres depuis le coin, quand, dans un élan, son moteur ronronnant comme un chat-tigre, une puissante voiture de tourisme surgit derrière lui, arriva à sa hauteur, mais au lieu de les dépasser, ralentit l'allure de façon à égaler la sienne. Frappé de cette manœuvre singulière, il se tourna bien vite et reconnut la face lunaire de De Morbihan qui lui ricanait sardoniquement par-dessus le volant de la voiture noire. Un second coup d'œil furtif lui montra 4 mâles intérieurs. Il n'eut pas le loisir de les identifier, mais il douta aussi peu de leur personnalité que de leurs mauvaises intentions. Des spadassins de Belleville, sans doute extraits des bataillons de Popinot, et ayant l'ordre de lui ramener Lagnard, mort ou vif. Il eut vite la preuve que ses craintes n'étaient pas exagérées. Tout à coup, De Morbihan mit l'échappement libre et déclencha à pleine puissance la sirène électrique. Parmi la rude pétarade des explosions et des frénétiques hurlements de l'avertisseur, une effroyable clameur retentit dans cette rue paisible. Un charivari dans lequel un coup de revolver fut noyé et passa inaperçu. Lagnard lui-même l'eût ignoré s'il n'avait entrevu du coin de l'œil un éclair qui jaillit vers lui comme une langue de feu et entendu derrière son dos le bris d'une glace qui tomba à l'intérieur, fracassée. Si le coup n'eut pas de successeur immédiat, ce fut presque uniquement grâce à la présence d'esprit de Lagnard. Avant même que le bruit de verre cassé fût parvenu à sa conscience, il mit tous les gaz et partit comme un lévrier apeuré. La soudaineté de cette manœuvre prit De Morbihan tout à fait au dépourvu. En un instant, Lagnard eut 10 mètres d'avance. Un instant de plus, et il virait sur deux roues, à angle aigu, dans la rue Jean Goujon. Encore un, et il filait par ce court passage jusqu'à l'avenue d'Antin, portant son avance à 15 mètres. Mais il ne pouvait espérer faire mieux, au contraire même. Les poursuivants possédaient la voiture la plus vive, et elle était commandée par quelqu'un réputé le plus audacieux et le plus habile automobiliste de France. Les considérations qui dictaient à Lagnard sa simple stratégie étaient bonnes, quoique informulées. Sauf intervention de la police, chose sur quoi il n'osait compter, son seul espoir était la fuite franche et de rester continuellement dans les voies les mieux éclairées et les plus fréquentées, où l'attentat avait moins de chances de se renouveler. Restait encore la possibilité d'un accident, que la voiture de De Morbihan crevât un pneu ou fut embouteillée par la circulation, ce qui permettrait à Lagnard de s'évader en quelque labyrinthe de petites rues sombres, d'y abandonner sa voiture et de se mettre en sûreté au plus vite. Mais c'était là un espoir des plus problématiques, et il ne l'ignorait pas. En outre, un accident pouvait aussi bien arriver à lui qu'à De Morbihan. À supposer un pneu dégonflé ou une crevaison, sans qu'il fût retardé 2 secondes par quelque embarras du trafic, et il faudrait un miracle pour le sauver. Comme il débouchait de l'avenue d'Antin sur le rond-point des Champs-Élysées, l'avant de la voiture poursuivante pointa sur la gauche, prohibant nettement toute tentative d'obliquer vers l'est, vers les boulevards et le centre nocturne de la capitale. Il ne lui restait d'autre choix que de fuir vers l'ouest. Afin de ne pas perdre 1 centimètre davantage, il prit la séquence sur la circonférence six-partite du rond-point et fila ventre à terre, remontant l'avenue vers la place de l'Étoile, fonçant frénétiquement à travers le flot de la circulation plus paisible, et toujours, le moteur de la voiture de tourisme ronronnait de satisfaction juste à son côté. S'il y avait de la police par là, Lagnard n'en vit rien, et il n'eut d'ailleurs pas songé à stopper, ni même à ralentir, pour autre chose qu'un obstacle inamovible. Mais à mesure que les minutes s'écoulaient, il devenait évident que l'attentat sur sa vie n'allait pas se renouveler pour le moment. Les poursuivants pouvaient attendre. Ils pouvaient se permettre de singer la patience de la mort elle-même. Et il apparut alors à Lagnard qu'il ne roulait plus seul. La mort était sa passagère. Absorbé qu'il était par la direction de sa machine et les problèmes sans cesse renaissant de la route, il trouvait encore le loisir de songer nettement à lui-même, de se dire qu'il voyait fort probablement pour la dernière fois Paris et la vie. D'ici quelques minutes, le nom de Michael Lagnard ne serait plus même un souvenir pour ceux dont les existences composaient la vie inlassable de la large avenue. Devant lui, la sombre et grandiose silhouette de l'Arc de Triomphe s'élargissait à vue d'œil sur le champ des étoiles nocturnes. Il se demanda s'il l'atteindrait vivant. Il l'atteignit. Les poursuivants prenaient tout leur temps, mais le capot de la voiture de tourisme le rabattait inexorablement autour de l'arc et le détournait de l'avenue de la Grande Armée pour le pousser dans l'avenue du Bois. Il était déjà en train de foncer vers la Porte Dauphine quand il comprit le dessein de deux morbihans. On allait l'envoyer dans les solitudes nocturnes du Bois de Boulogne et une fois là, le rattraper et le mettre à mort. Mais à présent, il commençait à entrevoir un faible rayon d'espérance. Une fois à l'intérieur de l'enclos du parc, il comptait bien trouver quelque occasion de faire une halte brusque et d'abandonner la voiture. Après quoi, cherchant un asile dans l'ombre propice des feuillages, ou bien il réussirait à s'échapper à pied, ou il contiendrait les apaches jusqu'à ce que la police vînt à son secours. Avec la nuit pour cacher ses mouvements et un bouquet d'arbres pour l'abriter, il osait croire qu'il lui restait une chance de sauver sa vie, tandis que dans les rues désertes, une tentative de ce genre eût équivalu tout bonnement au suicide. Des coups d'œil espacés par-dessus l'épaule ne lui montrèrent aucune modification dans l'intervalle entre sa voiture et celle des assassins. Mais son moteur ronflait avec souplesse et régularité. Le flattant, le réprimandant, il réussit encore quelque temps à maintenir sa distance. Aux abords de la Porte Dauphine, il aperçut deux sergents de ville arrêtés au milieu de la chaussée et agitant des bras furibonds. Il fonça sur eux sans ralentir. C'était leur vie ou la sienne, et ils s'écartèrent d'un bond juste à temps pour éviter de se faire écraser. Et comme il filait dans le parc tel une ombre fugitive, il crut entendre un coup de revolver, dirigé contre lui par les apaches ou tiré par les policiers pour appuyer leurs injonctions de stopper, il n'eut pu le dire. Mais il se félicita d'avoir un taxi à conduire et non une voiture de tourisme. N'eût été la carrosserie de son véhicule qui le protégeait, il ne doutait pas qu'une balle l'eût atteint depuis longtemps. À cette heure avancée, les allées du bois étaient quasi désertes. Entre la porte et le premier carrefour, il dépassa seulement une auto, une limousine dont le chauffeur lui cria quelques mots indistincts quand Lagnard fut là à son côté comme un bolide. C'était un soulagement que d'être délivré des dangers de la circulation. Mais la poursuite gagnait du terrain, centimètre par centimètre, tandis qu'il dévalait la route longeant la rive orientale du lac. Et il ne trouvait toujours pas d'issue. Il ne voyait dans la topographie du terrain aucune occasion de tenter son seul recours. Si cela ne changeait pas, les apaches seraient sur lui avant qu'il pût sauter à bas de son siège. Se courbant sur le volant, fouillant de regards inquiets les bords ombreux de cette allée tournante, il dirigea pour un moment d'une main, tandis que de l'autre, il ouvrait son imperméable et préparait son revolver. Puis, comme il arrivait au haut de la pente, par-dessus le ronflement de son moteur, le froissement de l'asphalte sous les pneus et le bruissement du courant d'air à ses oreilles, il perçut un claquement sec de fer de chevaux et comprit que les gendarmes lui donnaient la chasse. Et alors, dans la légère descente, bien qu'il la prît à une vitesse dangereuse et parut véritablement courir aussi vite que le vent, l'autre machine, aidée par son poids supérieur, commença à se rapprocher encore plus rapidement. À chaque seconde, le vrombissement de son moteur devenait plus fort et plus menaçant. Ce n'était désormais qu'une question de secondes. L'inspiration du désespoir l'envahit, plus farouche que n'en conçut jamais aucun cerveau humain. Ils approchaient d'un point où, sur la gauche, un bosquet dense côtoyait la route. À droite, une large allée de piétons séparait l'avenue de la douce déclivité parsemée des jeunes plants qui dévalaient jusqu'à l'eau. Se dressant à sa place, Lagnard dégagea de dessous de lui le lourd coussin caoutchouté. Puis, obliquant vers la gauche du milieu de la chaussée, il coupa tout à coup l'allumage et bloqua les freins de toutes ses forces. Malgré sa vitesse effrayante, la voiture s'arrêta sur deux fois sa longueur. Lagnard fut projeté en avant contre le volant, mais comme il s'était préparé à la chose, il évita toute blessure et se releva aussitôt. En l'espace d'un instant, la voiture des apaches fut sur lui. N'ayant pas le moindre soupçon de son intention, de Morbihan n'eut pas le temps d'user des freins. Lagnard vit la forme noire du véhicule arrive à toute vitesse et entendit un hurlement de triomphe. Alors, de toute sa force, il lança le lourd coussin à travers l'espace, en plein dans la figure de deux morbihans. Il atteignit son but. Épouvanté, incapable de comprendre la nature de cette masse énorme, sombre et tournoyante, De Morbihan tenta de lever le coude pour se protéger. Trop tard. De tout son élan, le coussin l'attrapa dans la figure, et avant qu'il pût se reconnaître ni savoir ce qu'il faisait, il avait tourné la direction en plein sur la droite. La voiture, qui n'allait pas moins vite qu'une locomotive, bondit par-dessus la bande de l'allée des piétons, accrocha sa roue avant de droite contre un arbuste, se mit brutalement par les travers et culbuta sens dessus-dessous en s'élançant au bas de la pente vers le lac. Un craquement formidable succéda à un cœur effroyable de blasphèmes, de hurlements, de cris et de gémissements. Aussitôt, Lagnard remit son moteur en marche et, tremblant de tous ses membres, parcourut plusieurs centaines de mètres. Mais le temps pressait et l'utilité de sa voiture avait pris fin en ce qui le concernait. On ne pouvait dire combien de fois son identité avait dû être établie par les policiers au cours de cette poursuite enragée à travers Paris, ni au bout de combien de temps ces derniers arriveraient à le rejoindre et à l'appréhender. Aussitôt donc qu'une courbe de la route lui cacha la scène de la catastrophe, il stoppa pour de bon, sauta à bas et plongea tête baissée au cœur ténébreux du bois. Un peu plus tard, pareil à un rôdeur de nuit, pantelant, échevelé, ses vêtements grossiers tachés et boueux, il ressurgit à l'air libre, à 1 kilomètre ou 2 de son point de disparition, se laissa glisser sans bruit dans le lit à sec d'un fossé des fortifications, grimpa aussi furtivement sur le glacis, traversa en vitesse le boulevard intérieur et se dirigea par un grand détour vers sa destination, l'hôtel Humbert.